Du 20 au 26 juillet prochain aura lieu le 41e Tour cycliste de l'Abitibi et la Coupe des Nations. C'est vraiment l'un des grands rendez-vous sportifs annuels dans notre région. Et cette année, la quatrième étape de la course sera un aller-retour à partir de Malartic. On nous dit que les gens de Malartic sont prêts. J'en discute avec le président du conseil d'administration du Tour, M. Bernard Gauthier. M. Gauthier, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous quelque chose d'abord, avant qu'on parle de ce tour-là. De quelle façon est-ce qu'il y a eu cumul du Tour cycliste de l'Abitibi et de la Coupe des Nations? Bon, écoutez, l'an passé, on se rappellera que le Tour de l'Abitibi et la Coupe des Nations étaient deux compétitions distinctes. Voilà. En Abitibi-Témiscamingue. Et pour nous, c'était une première. Mais c'était aussi une problématique. On se rend bien compte qu'organiser une compétition comme le Tour de l'Abitibi et la Coupe des Nations demande énormément de bénévoles. On parle ici de près de 400 personnes qui doivent travailler à organiser cette compétition-là. Et quand on parle d'une durée de 12 à 14 jours, c'est plus difficile en plein été. Alors, on a fait une demande à l'Union cycliste internationale une demande de dérogation pour pouvoir présenter une seule compétition qui comprendrait des coureurs internationaux et des coureurs plus régionaux. Voilà. Alors, corrigez-moi si je me trompe, peut-être que je vulgarise à l'excès, mais vous avez fait accréditer votre tour de l'Abitibi comme étape de la Coupe des Nations. Absolument. Alors, on a voulu garder le Tour de l'Abitibi, étant donné qu'on était là depuis 40 ans. On a voulu garder ce nom-là. Alors, on a l'appellation Tour de l'Abitibi, mais c'est la Coupe des Nations, vraiment, qui compte pour le championnat junior. Cette compétition-là est reconnue par l'UCI. C'est prestigieux. Absolument. C'est une grande course junior. C'est la plus grande en Amérique, bien sûr. Qu'est-ce que ça amène au Tour, justement, cette nouvelle qualification, cette Coupe des Nations? Bon, écoutez, moi, je pense que la Coupe des Nations nous permet de recevoir, en fait, les meilleures équipes des pays asiatiques et européens qui viennent nous visiter pour amasser des points. Alors, ça nous donne un grand prestige parce que ce sont les meilleurs coureurs juniors qui se déplacent d'à travers le monde pour visiter Abitibi-Témiscamingue. Alors, je pense que on a une notoriété de ce côté-là qui est indéniable. C'est ça, je pense, qui est le grand succès de cette course-là. Est-ce que ça veut dire, cette année, que tout cumulé, il va y avoir plus d'activités, plus d'étapes? Non, en fait, quand on regarde le tour de cette année, ça ressemblera beaucoup comme étape là, à ce qu'on avait habituellement dans un tour de l'Abitibi. C'est-à-dire que c'est une course qui se déroulera du mardi au dimanche, donc sur 6 jours, et qui comprendra 8 étapes, comme à l'habitude, en fait, de ce qu'on présentait dans le tour habituel. Je l'ai dit en ouverture, la quatrième étape cette année sera un aller-retour à partir de Malartic. C'est l'une des nouveautés, ça. Oui, c'est une nouveauté. Cette année, on s'est associé à la minière Osisko qui, on le sait très bien, développe énormément la ville de Malartic actuellement. On s'est associé à cette entreprise-là pour faire de Malartic une étape du Tour de l'Abitibi. C'est une première en 40 ans. On aura un départ et une arrivée à Malartic. Alors ça, c'est une toute première. Et cette étape-là, bien sûr, on a une entente avec Osisko, mais il y a également la ville de Malartic qui participe énormément. Il y aura une grande fête à Malartic cette journée-là. On nous promet beaucoup d'activités. Alors, c'est en organisation pour le moment, là, mais ça promet beaucoup. Il y a de grands classiques qui reviennent aussi, là, les choses qu'on est habitué de voir et ce qui font la particularité du Tour de l'Abitibi. J'imagine que vous ne laissez pas tomber ça. Non, le reste, là, on parle des mêmes étapes là, qu'on connaissait. Là, on parle des étapes de Prissac-Val-d'Or, de Saint-Mathieu-Val-d'Or. Il y aura également l'étape pour laquelle on est reconnu à travers le monde, un départ souterrain, mm-hmm, à la Cité de l'Art. Alors ça, on en entend parler beaucoup. Les équipes qui nous appellent, d'ailleurs, les jeunes qui viennent ici, sont très anxieux de faire ce départ-là. Je pense que c'est une marque de commerce, oui, autour de BTB. Justement, après 41 ans, est-ce que c'est difficile de renouveler l'événement ou est-ce que c'est devenu tellement gros, tellement connu qu'on peut se permettre justement de répéter les choses d'année en année? Je vous dirais que il y a deux choses dans le tour de l'Abitibi. Il y a d'abord les équipes américaines qui viennent à chaque année dans la région et qui s'inscrivent très tôt parce que pour eux, c'est une grande course pour eux. C'est une course qui les intéresse énormément. Pour ce qui est des Européens, bien, ça, c'est un petit peu différent. Dépendamment des années, dépendamment du classement des équipes, il y a des équipes qui viennent nous visiter, il y a d'autres qui vont laisser passer leur tour. Mais je pense que c'est deux façons de les approcher, mais de plus en plus, les équipes européennes s'intéressent à notre compétition. Il y a des nouveautés également cette année au Tour de la Relève. Oui. Ça, c'est pour les plus jeunes. Oui, les plus jeunes, le Tour de Relève, ça, c'est très intéressant. Ça se passe le samedi et le dimanche. Le Tour de la Relève des Jardins, c'est une course qui regroupe des coureurs pee-wee, minimes et cadets. C'est intéressant parce qu'on développe vraiment la relève cycliste en région. Et je peux vous dire que maintenant, depuis l'an passé, on reçoit même des équipes de partout au Québec. On reçoit des équipes des États-Unis qui viennent et du reste du Canada qui viennent pour cette compétition-là. Alors, c'est vraiment aussi une marque de commerce autour de la relève des Jardins-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a même une course qu'on appelle la course des bibittes, les petits, très petits coureurs. Ça commence à 6 ans, hein? C'est ça. Ça commence à 6 ans et ça se termine à 16 ans. Et je pense qu'il y en a... Cette étape-là, ce tour de la relève-là des Jardins est important pour nous parce qu'il nous permet de développer de nouveaux coureurs. Et quand, justement, on est un nouveau coureur, on est jeune, de participer à un événement avec ses idoles ou en tout cas des cyclistes aguerris qui viennent de partout, pour ça, ça doit créer une atmosphère tout à fait particulière. Mais j'imagine, pour ces jeunes-là, de côtoyer les meilleurs cyclistes juniors au monde, c'est quelque chose. Quand on y pense un petit peu, pour ces jeunes-là, de participer, faire le même parcours, le même critérium local que font ces grands coureurs-là, alors pour eux, c'est un événement qu'ils n'oublieront pas sûrement. Et pour vous, M. Gauthier, qu'est-ce que vous allez chercher dans cet événement-là? Qu'est-ce qui vous fait encore vibrer aujourd'hui? Bon, j'en suis à ma deuxième année comme président du Tour. Vous savez, c'est toujours nouveau. À chaque année, il y a toujours des défis. Il faut amener du nouveau. Et ce qui est important pour nous, du Tour de la BCB, et pour moi, c'est d'avoir des partenaires. Et ces partenaires-là reviennent d'année en année. Et là, on parlait du Tour de relève des Jardins qui revient d'année en année. Mais il y a également une chose qu'il faut j'aimerais vous mentionner aujourd'hui, c'est qu'on a eu hier une annonce lors de la conférence de presse du gouvernement du Québec qui nous appuie fortement. Alors, le ministre Corbeil a annoncé un investissement de 75 000 $ pour le Tour de la BCB. C'est important pour nous. Ces partenaires-là, on voit que les entreprises de la région participent et nous aident à développer cette course-là. Et c'est un attrait touristique important, il ne faut pas l'oublier. Alors, Bernard Gauthier, vous êtes président du conseil d'administration du Tour. Merci d'avoir été là ce matin. Bien, merci beaucoup.